إن شاء الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours numéro 13 aujourd'hui dans la lecture du livre Mu'amalatul Hukam fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, la façon, la manière à agir, le comportement à avoir vers les dirigeants à la lumière du Coran et de la Sunnah. On est dans le chapitre 5 encore. Le chapitre 5, c'est à propos de la façon comment on doit ordonner le bien et interdire le mal, et en particulier comment on doit le faire par rapport aux dirigeants, comment on doit ordonner le bien aux dirigeants et interdire le mal aux dirigeants. On a au début du chapitre expliqué de façon générale qu'est-ce qui a rapport avec al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, et ensuite on a parlé de la façon spécifique qui doit être appliquée envers le dirigeant dans ces questions-là. Et on a expliqué que pour le dirigeant il y a des règles spécifiques qui sont différentes de celles que on emploie pour le commun des musulmans, tu vois. Comme par exemple, on a mentionné au dernier cours que lorsqu'on veut donner la nasiha, ou bien on va ordonner le bien ou interdire le mal aux dirigeants, eh bien on doit le faire en privé. On doit le faire en privé et pas publiquement. Ça c'est très très important. Puis on a mentionné à ce sujet le hadith qu'on a lu à propos de ça, et il y avait une longue discussion par la suite au sujet de l'authenticité de ce hadith-là et la compréhension de ce hadith. Et donc le hadith c'était le suivant: man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan, fala yubdihi alaniyatan, celui qui veut donner un conseil à son dirigeant, ou bien qui veut lui donner une nasiha, alors qu'il ne le fasse pas publiquement. فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, qu'il le prenne par la main et qu'il lui dise le conseil qu'il a à lui dire en privé. Puis s'il accepte de lui, c'est bien. Puis s'il accepte pas de lui, ben il a rempli son devoir, il a fini, donc il a rempli son devoir, et puis qu'est-ce qu'il avait à faire, c'est fait. Qu'il n'a plus de responsabilité une fois qu'il a fait son devoir, et il ne sera pas tenu pour compte parce qu'il a rempli son devoir. Et le dirigeant, lui, s'il le fait, c'est tant mieux pour lui, et s'il n'accepte pas la nasiha, ben c'est tant pis pour lui. Donc ça c'était le hadith qu'on avait lu. C'est ça. Man arada an yansaha li dhi sultan بأمر فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. C'est ça le hadith. Maintenant on est rendu au deuxième, la deuxième preuve dans ce domaine. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان كتاب الزكاة ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعته وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما وفيه قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وقال النووي رحمه الله فيه التأدب مع الكبار وأنه يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. انتهى كلامه. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était il y avait un groupe de personnes qui sont venues, Ruhd. Ruhd, c'est un petit groupe de personnes. Et il dit, moi j'étais assis parmi eux. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'argent ou quelque chose à chacun d'entre eux, mais il a laissé un à qui il n'a pas donné. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un des grands parmi les sahaba, il a dit que cette personne à qui il n'a pas donné, il dit c'était la personne que j'aimais le plus parmi ceux qui étaient là. Alors il dit, je me suis levé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en secret, à voix basse, je lui ai parlé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il dit sarartuhu, comme ça vient comme du sir, sir, comme si tu lui as parlé en secret, donc fasarartuhu, donc il s'est approché du messager d'Allah et lui a dit doucement en secret, ô messager d'Allah, pourquoi tu n'as pas donné à un tel? Il dit, moi je le vois comme un croyant. Et le messager d'Allah a dit, ou bien un musulman. L'autre, il dit, je le vois comme un croyant, un mu'min. Il dit, oh musulman, ou bien juste un musulman. Parce que vous savez que le degré de l'iman, c'est plus haut que le degré de l'islam. D'accord? Donc il dit, peut-être, ou bien un musulman. Et après ça, il a dit, le messager d'Allah a dit, parfois je donne des choses à des hommes, alors que d'autres sont plus aimés de moi que ceux-là. C'est-à-dire, des fois je donne à des personnes, mais il y a d'autres qui sont plus aimés que ceux-là. Mais je leur donne, il dit, إِنِّي لَعَنْتِ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ. Il y a des hommes à qui je donne, mais d'autres que sont plus aimés de moi, mais je donne à ceux-là par crainte qu'ils soient jetés dans l'enfer sur leur visage. Mais je donne à ceux-là par crainte qu'ils soient jetés dans l'enfer sur leur visage. Parce que peut-être que s'ils ne leur donnent pas, leur foi elle est trop faible et ils risquent de tomber dans la mécréance ou de tomber dans le feu à cause de ça. Donc pour les renforcer leur foi, il leur donne un peu pour les aider. Donc il dit, قال النووي رحمه الله فيه التأدب مع الكبار. L'imam al-Nawawi qui explique le hadith, il dit, ça nous montre le comportement à adopter avec les grands, avec les personnes importantes. Et donc on doit leur parler en secret, dans le but de leur rappeler quelque chose ou de leur faire noter quelque chose d'important, et de ne pas leur parler devant tout le monde en public, de leur faire noter des choses en public devant tout le monde à haute voix, parce que c'est possible qu'en leur parlant ouvertement devant tout le monde, il y a un méfait là-dedans, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui va ramener du mal. Non. Donc ça c'est ça, comme tu dis, peut-être l'humiliation ou bien l'affront, peut-être que ça peut le pousser à l'orgueil ou des choses comme ça. Exactement, exactement. Donc des fois c'est aussi par modestie puis par respect, parce que si tu commences à dire à quelqu'un qui est plus grand que toi, plus savant que toi, plus respecté, donc que toi tu lui parles comme à haute voix comme ça devant tout le monde, ça c'est comme si tu lui fais un affront, tu vois. Et il y a des hadiths clairs sur ça. On en a mentionné dans les cours précédents, mais il y en a plein d'exemples, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représentait le rôle du dirigeant à son époque. Puis après lui, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiallahu anhum, et les autres par la suite. Donc c'est notre modèle, même si eux c'était un modèle, ben, c'est sûr que eux c'était un modèle très élevé en exemple, en perfection puis en comportement, mais ça reste que c'est ça notre modèle à suivre. الدليل الثالث أخرج الترمذي في سننه أبواب الفتن قال حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أويس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال وهو مرداس ابن أدية أحد الخوارج قاله المزي في هامش كتابه تهذيب الكمال. Donc Abu Bilal, hein, c'était un khariji. Il dit: انظر الى اميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال ابو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. قال الترمذي: حسن غريب. انتهى كلامه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: الإمام ظل الله في الأرض ورجاله ثقات. قلت: وزياد بن كسيب العدوي. قال الحافظ ابن حجر يعني عنه أنه مقبول. قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الحديث حسن. نعم الحديث حسن، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال الشيخ صالح بن عثيمين في كتابه مقاصد الإسلام: عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك منها هذا الحديث، وقال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتروا بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est un hadith rapporté dans le chapitre des fitan dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi. Il dit حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا صديق نوزا ترانسمي نوزا حميد بن مهران نوزا ترانسمي selon Saad ibn Uwais, selon Ziyad ibn Kusayb al-Adawi, il a dit j'étais avec Abi Bakra. Abi Bakra c'est un sahabi. Et j'étais sous le minbar d'Ibn Amir. Et il faisait une khutbah. Et il avait des vêtements fins. Des vêtements fins. Allahu a'lam. Il a dit j'avais des vêtements fins. Et il y a un homme parmi les Khawarij qui s'appelait Abu Bilal. Son nom c'est Mirdas ibn Udayya. Mirdas ibn Udayya. Qui fait partie des Khawarij. Sa kunya c'est Abu Bilal. Il a dit regardez notre dirigeant qui porte des vêtements, le vêtement des pervers. Alors Abu Bakra lui a dit tais-toi. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui rabaisse, qui dénigre le dirigeant que Allah a mis sur terre, Allah va l'humilier. Et ça c'est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith Hassan. Et dans la Musnad de l'imam Ahmad, il a également rapporté ce hadith-là par une autre voie, et il y a la même histoire dedans. Il a mentionné sans l'histoire qui est avant, mais il a mentionné la partie du hadith où il dit « Celui qui honore le dirigeant que Allah a mis sur terre, eh bien... s'il l'honore dans cette vie, Allah va l'honorer au jour de la résurrection. Et celui qui dénigre le dirigeant que Allah a mis sur terre, eh bien, Allah va l'humilier au jour de la résurrection. Naam. Et c'est ça le hadith. Pour avoir le hukm, il mentionne que Sheikh Al-Albani il a déclaré Hassan dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha. Justement, ça me fait penser à quelque chose parce qu'il y a quelques jours, j'ai traduit une parole. D'une citation qui a été mentionnée par le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre qui s'appelle As-Sunnah. Et c'est quoi? C'est une athar qui dit An Sa'id ibn Juhman. قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه تذرفان قال فقالت بأبي أنت يا أبا بلال ما شأنك أراك هكذا قال جعلنا بعدكم كلاب النار وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. أي نعم. C'est ça la citation. Puis je l'ai traduit en français. Donc je vais vous la lire. C'est le fils de l'imam Ahmad. Ibn Hanbal a rapporté dans son livre As-Sunnah, selon son père, l'imam Ahmad, selon Abu Kamil, selon Hamad ibn Salama, selon Saïd ibn Jumhan, qui a dit « Les Khawarij m'appelaient à les suivre, à un tel point que j'ai failli entrer avec eux. Puis la sœur de Abu Bilal a vu dans son sommeil que Abu Bilal était devenu un chien noir avec beaucoup de poils, et de ses yeux coulaient des larmes. Elle dit « Oh Abu Bilal, pourquoi es-tu ainsi ?» Il a dit, après vous, on a fait de nous des chiens de l'enfer. Et Abu Bilal était parmi les têtes des Khawarij. Donc ça c'est peut-être le même Abu Bilal que celui qui est mentionné dans cette histoire-là. Naam. Allah musta'an. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des Khawarij qu'ils sont les chiens de l'enfer. Hein, kilab al-nar. Donc le cheikh il dit وقال الشيخ صالح ابن عثيمين رحمه الله. Donc le cheikh ibn Uthaymeen il a dit dans son livre Maqasid al-Islam lorsqu'il a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec la nasiha envers le dirigeant et que ça doit être fait en secret et non pas en public ou divulgué ouvertement, il a mentionné les preuves à ce sujet-là. Et parmi les preuves qu'il a mentionnées, il a cité ce hadith qu'on a lu. Hein, celui qui humilie ou qui dénigre le dirigeant d'Allah, Allah va le dénigrer, Allah va l'humilier au jour de la résurrection. Et donc il a dit que si la parole, c'est si quelqu'un parle à propos du roi derrière son dos, hein, ou bien lui donne la nasiha mais ouvertement, publiquement devant tout le monde, ou bien divulgue des paroles ou des choses à son sujet pour l'humilier, eh bien, il fait partie de ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala a menacé qu'il allait les humilier au jour de la résurrection. Et donc, il n'y a pas de doute qu'il faut prendre en considération ce qu'on a mentionné sur le fait que celui qui veut donner la nasiha au dirigeant doit le faire en secret et en privé. Pour celui qui est capable de lui faire la nasiha en privé parmi les ulama qui sont proches de lui et qui le fréquentent et de qui les dirigeants profitent, hein, lorsque il leur donne la nasiha, jusqu'à ce qu'ils disent après, un peu plus tard, ils disent et فَإِنَّ مُخَالَفَةَ الْسُلْطَانِ فِي مَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورِيَاتِ الدِّينِ عَلَنًا. Donc si tu contredis le dirigeant ouvertement ou publiquement dans les choses qui ne font pas partie des nécessités de la religion, ou que tu le critiques ou le condamnes pour une action qu'il fait publiquement dans les assemblées, dans les mosquées, dans les journaux, ou dans les exhortations, ou des choses de ce genre, eh bien ça ne fait pas partie de la nasiha, en quoi que ce soit. Hein? Alors ne te laisse pas tromper par celui qui fait ça, même s'il a une bonne intention, parce que c'est en contradiction avec ce que faisaient les salafs salih, de qui on prend notre comportement et qu'on suit comme exemple et modèle, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se charge de ta guidance. Donc ça, c'est un point important à ce sujet-là. Après, le cheikh, il dit, « Ad-dalil al-rabi' »« Qala l'imam Ahmad fil musnad »« Haddathana Abu Nadr »« Haddathana al-Hashraj »« Ibn Nabata al-Absi »« Al-Kufiyun » حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة محجوب البصرة فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بلى الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات انتهى كلامه وقد حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة وهو كما قال. Ça aussi c'est une belle histoire, puis justement ça parle de la même personne que celui qu'on a mentionné tantôt, Saïd ibn Jumhan. Saïd ibn Jumhan, je ne sais pas si dans l'histoire que je viens de vous raconter vous vous rappelez, j'ai cité l'histoire de Abu Bilal le Khariji. Eh bien c'était qui rapportait cette histoire? c'était Saïd ibn Jumhan. Donc c'est la même personne. Donc regardez cette histoire-là, ça rajoute encore un peu plus de clarté sur la situation de Saïd ibn Jumhan par rapport au Khawarij. Il dit, Saïd ibn Jumhan, il dit, je suis allé voir Abdullah ibn Abi Awfa. Et il était à Basra. Alors, probablement qu'à ce moment-là, il était, je ne sais pas s'il était caché ou quoi, parce qu'il disait, wa huwa mahjoubun. Mahjoub al-Basra. Allahu a'lam. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Il dit, fassalamtu alayhi. Il dit, je lui ai donné le salam. Assalamu alaykum. Il m'a dit, qui es-tu? Il a dit à Saïd ibn Jumhan, c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Awfa, il a dit à Saïd ibn Jumhan, qui es-tu? Il a dit, je suis Saïd ibn Jumhan. Alors, il a dit, qu'est-ce que ton père a fait? Il a dit, il a été tué par les Azariqa. Azariqa, c'est une secte, un groupe parmi les groupes des Khawarij. Parmi les Khawarij, il y a plusieurs groupes de Khawarij qui sont sortis, qui sont apparus dans l'histoire. Il y a Al-Haruriya, il y a Al-Azariqa, il y a Al-Najdad, il y en a beaucoup d'autres encore. Il y a Al-Ibadiya, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein? Donc il y a plein de groupes de Khawarij. Et donc, ceux-là, c'était les Azariqa, ils ont tué le père de Saïd ibn Jumhan. Alors, Abdullah ibn Abi Awfa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah maudisse les Azariqa. Que Allah maudisse les Azariqa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Qu'ils sont les chiens de l'enfer. Alors, Saïd ibn Jumhan a dit, est-ce que ce sont seulement les Azariqa qui sont les chiens de l'enfer, qui sont maudits, ou bien les Khawarij au complet, hein, tous les Khawarij? Il a dit, certes, tous les Khawarij. Alors il a dit, Saïd ibn Abi Awfa a dit, le dirigeant, il opprime les gens et il leur fait de l'injustice. Alors, Abdullah ibn Abi Awfa, il a dit, il a pris ma main et il a serré fort. Et il a dit, malheur à toi, Ibn Jumhan. Reste avec yani le corps des musulmans, reste avec les musulmans, hein, la masse des musulmans. C'est-à-dire, yani, ceux qui restent sur la vérité. As-sawad al-azam, la masse des musulmans. Alors, il dit, si le dirigeant écoute de toi, alors va le voir dans sa maison et informe-lui de ce que tu sais. Et s'il accepte de toi, sinon laisse-le. Hein? Parce que tu n'es pas plus savant que lui. Parce que tu n'es pas plus savant que lui. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Cheikh Al-Albani et, par Ahmad et At-Tabarani, il a été déclaré Hassan par Cheikh Al-Albani dans Takhrij al-Sunnah. Pardon. Après le Dalil al-Khamis. Donc tout ça, c'est des hadiths qui prouvent que la nasiha pour le dirigeant, c'est en privé, hein, pas en public. Dalil al-Khamis, أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة ابن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا سياق مسلم. قال الحافظ في الفتح قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. انتهى كلامه. Donc il dit, وقال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله انتهى كلامه. Donc ça c'est le dalil numéro 5, c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih que Usama ibn Zayd, quelqu'un est venu, c'est rapporté selon Usama ibn Zayd que quelqu'un est venu puis lui a dit « Pourquoi tu ne vas pas voir Uthman pour lui parler, pour lui donner nasiha ?» Il a dit « Est-ce que vous pensez que quand je vais lui parler, je vais vous faire entendre ?» Comme s'il faut que je vous fasse entendre quand je vais aller lui parler. Il dit, par Allah, je suis allé lui parler entre moi et lui, sans ouvrir une porte que je ne voudrais pas être le premier à ouvrir. Et ça, c'est la version de Muslim. Al-Hafiz ibn Hajar, dans Al-Fath al-Bari, il dit, c'est-à-dire, je ne voudrais pas ouvrir une porte, donc je suis allé lui parler en secret pour ne pas ouvrir une porte. C'est quoi cette porte? C'est-à-dire la porte de condamner ou de critiquer le dirigeant publiquement, par crainte de diviser la parole des musulmans et l'unité des musulmans. Et Iyad, il a dit, qu'est-ce qu'il veut dire Usama? C'est-à-dire il ne veut pas ouvrir la porte de la condamnation ou la critique du dirigeant par crainte des conséquences négatives de ça. Donc, il parle avec douceur au dirigeant et il lui donne la nasiha en secret. Parce que quand tu fais de cette façon-là, c'est plus facile pour que le dirigeant accepte. Fin de la parole de l'imam de Hafiz ibn Hajar. Cheikh Al-Albani, il a fait lui aussi un commentaire de Mukhtasar Sahih Muslim et il a dit justement en note de bas de page le commentaire à propos de cette parole de Usama. Il a dit, c'est-à-dire j'ai eu peur je ne voulais pas être le premier à condamner le dirigeant devant tout le monde, publiquement et ouvertement, parce que dans le fait de faire ça, on craint les conséquences négatives de le faire. Et donc, on est ceux qui se sont mis d'accord pour condamner ouvertement Uthman et le critiquer publiquement, eh bien, la conséquence de ça, ça a été qu'il a été assassiné par la suite. Allah al-Musta'an. Dalil al-Sadis, akhraja Hannad ibn Sirri, fi al-Zuhd. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. Donc ça a été rapporté selon Omar ibn al-Khattab qu'il a dit ô vous le peuple al-Ra'iyya, c'est-à-dire ceux qui sont sous ma responsabilité, il a dit عليكم إن لنا عليكم حقا. C'est-à-dire vous avez un droit sur nous et vous devez nous faire la nasiha en secret ou en privé et nous aider dans le bien. Ça fait partie des paroles qu'il a mentionnées. الدليل السابع أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. Justement en parlant de cette athar qu'on vient de lire de Omar ibn al-Khattab, il y a plusieurs parmi les gens qui rapportent, surtout parmi les Ikhwan et des gens de ces tendances-là, ils rapportent du discours de Abu Bakr al-Siddiq ou de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a pris le khilafa. Ils disent qu'il a dit aux gens si je me trompe ou si je ne suis pas correct, redressez-moi même avec l'épée. Et ça, c'est bien entendu une parole qui est attribuée à Abu Bakr ou à Omar, mais qui n'est pas authentique. Et non seulement ça, qu'elle n'est pas authentique, mais elle est en contradiction avec tous les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui interdisent justement de changer le mal avec l'épée, et en particulier quand c'est contre le dirigeant. Donc souvent, les Ikhwan, ils mentionnent ce genre d'histoire, mais qui n'est pas rapporté authentiquement. C'est même pas un hadith. Des fois, c'est des trucs qui sont rapportés dans les livres d'histoire. Et il n'y a pas d'isnad ou quoi que ce soit pour vérifier l'authenticité de ce genre de paroles. Donc, il ne faut pas prendre toutes ces choses-là telles quelles. De sources inconnues. C'est ça, exactement. Ouais, des fois, des hadiths maudours, mais là, c'est même pas un hadith parce que c'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Et ça aussi, c'est une autre chose. C'est que si c'est une parole d'un sahabi et qu'elle contredit des hadiths clairs, eh bien, on peut pas prendre la parole du sahabi et laisser là le hadith. Hein? Ça, c'est pas permis, ça non plus. Yani, c'est sûr, le hadith qui est faible, on le prend pas, ni dans l'aqidah, ni dans l'ibadah. Parce que le hadith al-da'if, on le prend pas. Donc, ensuite, al-dalil al-sabi' أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد ابن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف فقال ابن عباس إن خشيت أن يقتلك فلا وإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك وهذا أثر صحيح. Donc ça c'est une athar, c'est rapporté selon Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et Saïd ibn Mansour dans son Sunan et Ibn Abi Dunya dans Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Selon Saïd ibn Jubayr, il dit, j'ai dit à Abdullah ibn Abbas, donc Saïd ibn Jubayr, il demande à Abdullah ibn Abbas, est-ce que je dois ordonner le bien à mon dirigeant? Et Ibn Abbas lui a répondu, il a dit, si tu crains qu'il te tue, ne le fais pas. Mais si tu dois le faire, si tu sens que tu n'as pas le choix, que tu dois le faire, alors fais-le entre toi et lui. Et ne parle pas dans le dos de ton dirigeant. Parce que, c'est pas permis de parler dans le dos d'un musulman. Même si c'est le commun des musulmans. Alors imagine si c'est un dirigeant, c'est encore plus grave. Hein. Et ça, c'est une athar qui est authentique. Ad-dalil al-thamin. Mais non. Quand on dit que tu ne dois pas critiquer le dirigeant excepté en privé, ça ne veut pas dire que si tu ne le dis pas devant tout le monde, puis que tu parles en privé entre toi et les gens, que ça c'est permis. Parce que ça c'est rib, hein? C'est parler dans le dos. Donc il y en a, comme tu dis toi, tu viens juste de mentionner cet exemple, hein, que cette personne-là t'a dit ça, ça prouve qu'elle a mal compris. Quand on dit par exemple qu'on n'a pas le droit de parler du dirigeant, en public, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de parler contre le dirigeant ou parler du dirigeant en privé entre nous et de dire des choses contre lui ou du mal de lui derrière son dos. Même si c'est en privé, même si c'est pas devant tout le monde, même si c'est juste entre toi et une autre personne, tu parles dans le dos du dirigeant, c'est haram ça aussi. Tu n'as pas le droit de dire du mal du dirigeant, même si c'est pas devant lui. Hein, même si c'est pas devant les gens, parce que c'est le riba. Le riba c'est haram pour tous les musulmans. Contre derrière le yani, parler dans le dos de quelqu'un, c'est haram, que ce soit dans le dos du dirigeant ou dans le dos d'un autre musulman. Mais si c'est dans le dos du dirigeant, c'est encore pire que si c'est dans le dos de n'importe quel autre. Non, les gens de bid'a c'est permis. Les gens de bid'a ou les kuffars, yani, c'est permis de parler dans leur dos, mais il faut qu'il y ait un bienfait de derrière ça, dans le sens de mettre en garde contre eux, d'avertir contre leur bid'a, d'avertir contre leur égarement, mais pas pour juste parler dans le dos des affaires. Oui, non, ça il n'y a pas de y a pas de bien là-dedans. On a fini avec le chapitre 5. Il reste juste une parole, un dalil qu'on va citer. Al-dalil al-thamin. Akhraja ibn Abi Shayba fi al-musannaf wa Sa'id ibn Mansour fi sunanih wa Khaythama ibn Abd al-Rahman ابن أبي سبرة قال قال عبد الله إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس وهذا لفظ سعيد. Donc c'est rapporté selon Abdurrahman Khaythama ibn Abdurrahman ibn Abi Sabra. Il a dit que Abdullah a dit, si tu vas voir le dirigeant, alors ne lui parle pas ou ne lui dis pas des choses devant tout le monde, hein, devant tous les gens. Et Abdullah ici, c'est Abdullah ibn Mas'ud. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui a dit ça. Hein? Ibn Ummi Abd. Ibn Ummi Abd. Naam. Ok. Naam. On commence maintenant le chapitre numéro 6. C'est quoi le titre du chapitre numéro 6? Fis-sabri ala jawril a'imma. Fis-sabri ala jawril a'imma. C'est-à-dire de faire preuve d'endurance, de patience face à l'injustice des dirigeants. Donc le cheikh il dit as-sabr 'ala jawr al-a'imma aslun min usul ahli as-sunnah wal-jama'ah la takad tara mu'allafan fi as-sunnah yakhlu min taqrir hadha al-asl wal-hadd 'alayhi wa qad balaghat al-ahadith wa hadd at-tawatur fi dhalik wa hadha min mahasin ash-shari'ah fa inna al-amr bis-sabr 'ala jawr al-a'imma wa dhulmihim يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. Donc le cheikh il dit, le fait de faire preuve d'endurance et de patience face à l'injustice des dirigeants, c'est un fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, et tu ne trouveras pas un livre qui a été écrit parmi les livres de la Sunnah excepté qu'il confirme ce fondement-là et qu'il incite à le respecter et à l'appliquer. Et les hadiths qui supportent ce principe-là ont même atteint le degré de tawatur. C'est-à-dire qu'ils sont rapportés par un nombre tellement grand que c'est impossible de concevoir que ces gens-là se seraient mis d'accord pour un mensonge. Impossible. Il dit que ça fait partie des choses, des beaux enseignements de la charia. Et l'ordonnance, hein, le fait d'ordonner, de faire preuve d'endurance, d'ordonner l'endurance envers l'injustice des dirigeants et envers d'endurer leur injustice, il y a dans ça ce qui ramène beaucoup de bien pour les serviteurs. Endurent leur injustice, ça ramène beaucoup de bien et ça repousse beaucoup de méfaits et beaucoup de mauvaises conséquences. Et ça protège les gens et ça ramène du bien pour les serviteurs et pour les différents pays musulmans. Et il cite en premier la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ce sujet-là. C'est comme souvent les Khawarij, ils essaient de citer Ibn Taymiyyah comme référence pour faire croire aux gens qu'ils se basent sur les paroles de Ibn Taymiyyah, alors que Ibn Taymiyyah a critiqué les Khawarij et il les a réfutés les Khawarij et il a supporté et confirmé les fondements d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah qui contredisent toutes les bases des Khawarij. Et donc parmi les fondements de Ibn Taymiyyah, c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Pourquoi Ibn Taymiyyah est mort en prison? Eux, ils pensent que c'est parce que Ibn Taymiyyah s'est révolté contre les dirigeants. Non! S'il s'était révolté contre les dirigeants comme eux, ils prétendent, il ne serait pas resté dans des endroits où il savait qu'il allait se faire arrêter. Et en plus, quand il s'est fait arrêter, ce n'était pas pour des questions qui ont rapport avec l'opposition ou la critique des dirigeants. C'est toujours par des questions de aqidah et la défense de la aqidah des salafs. Parce que souvent, là où il était, il y avait des mubtadi'a, soit des asha'ira ou des soufiya ou des gens de bid'a qui allaient voir les dirigeants pour se plaindre de Ibn Taymiyyah. Parce qu'ils n'étaient pas capables de le réfuter par des arguments, alors ils rusaient contre lui, inventaient des mensonges contre lui, allaient voir les dirigeants et puis faisaient des efforts pour essayer de le condamner. Ou bien des fois c'était des juges qui faisaient partie des Mubtadi'a et qui n'aimaient pas Ibn Taymiyyah, puis qui faisaient justement qui lui faisaient des procès pour le condamner, et à chaque fois il se faisait arrêter et emprisonner à cause d'eux. Donc ça n'avait rien à voir avec cette idée-là que ces gens-là se font, c'est-à-dire les Khawarij. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a fait partie des ulama qui a confirmé justement le principe de Ahl Sunnah al-Jama'ah et des Salaf, qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants et endurer leur injustice. Donc il a dit Amma ma yaqa'u fi, et ça en passant, ça vient contredire directement toutes les idéologies des marxistes et des communistes et des socialistes et des gens qui appellent à ces idéologies-là, qui eux s'opposent aux dirigeants et appellent à la révolution au nom de l'injustice et des choses de ce genre, de même que les démocrates et les laïcs et tous ces gens-là qui appellent à se révolter contre le pouvoir. Donc ils refusent l'autorité. Et après, maintenant, les koufars, ils se surprennent que les jeunes, ils ont plus de respect pour l'autorité, pour leurs parents ou pour leurs enseignants ou pour leurs responsables. Parce que vous avez des valeurs qui contredisent l'obéissance et le respect de l'autorité. Donc si vous ne respectez pas l'autorité, déjà vous ne respectez pas Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et vous ne respectez pas les messagers d'Allah, et vous ne respectez pas les dirigeants qui sont sur la terre, comment vous espérez que par la suite les enfants vont respecter leurs parents, puis ensuite, c'est vrai, c'est pas logique. Vous appelez les femmes à ne pas respecter leur mari, les enfants à ne pas respecter leurs parents, les gens à ne plus respecter leurs dirigeants, les hommes à ne plus respecter les ulama, les savants de la religion, ou les représentants de la religion, et après vous dites aux gens de ne plus respecter les prophètes, et vous faites des caricatures sur eux, et vous vous moquez des prophètes, et après vous moquez d'Allah subhanahu wa ta'ala, après vous espérez que les gens vont avoir un respect pour une autorité quelconque. Eh bien, c'est ça qui arrive, comme on dit. Donc il dit « وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ أَوْ غَيْرِ سَائِغٍ فَلَا يَجُوزُ أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة كقوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam il a dit, qu'est-ce qui arrive de la part de l'injustice des dirigeants et de leur tyrannie, que ce soit pour que ce soit quelque chose qui est justifié ou non, il n'est pas permis d'enlever cette injustice-là ou d'essayer de retirer cette injustice-là par qu'est-ce qu'il y a de l'injustice, par de l'injustice. Tu peux pas enlever une injustice par une injustice. Et donc il dit, c'est malheureusement l'attitude de la plupart des personnes et des âmes. Elles veulent repousser le mal par quelque chose qui est plus mal, et elles veulent retirer la transgression par qu'est-ce qui est une plus grande transgression encore. Donc de se révolter contre les dirigeants, ça ramène plus d'injustice et plus de désordre que l'injustice qu'ils font à la base. Alors c'est mieux d'être patient et d'endurer. Parce que comme on doit être endurant lorsqu'on ordonne le bien et qu'on interdit le mal, et on doit endurer l'injustice de celui à qui on ordonne ou à qui on interdit. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran, comme par exemple le verset 17 dans Surat Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ordonne le bien, interdit le mal et endure ce qui va t'atteindre. » Et le verset 35 dans Surat Al-Ahqaf fait preuve d'endurance comme les messagers qui ont eu la fermeté ont été endurants. Ulul Azm, c'est les grands prophètes. Les grands prophètes comme Nuh, Adam, c'est Nuh, Moussa, Ibrahim, Isa et Muhammad. Ulul Azm, c'est les cinq. Ulul Azmi. Donc c'est les cinq grands prophètes. Et après, il y a dans Surat At-Tur, Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Fais preuve d'endurance devant le jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Donc ça c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Donc il dit Fasabru ala salatin idha jaru min azaim al-din wa min wasaya al-a'imma al-nasihin. جاء في الشريعة للآجر عن عمرو بن يزيد أنه قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبث أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه والله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقال الحسن أيضا اعلم عفاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب إن نقم الله متى لقيت بالسيوف أو بالسيف كانت هي أقطع لقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت فقال أجل إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا انتهى كلامه. Donc on va je vais tout traduire ça inshallah. Donc dans le livre et le cheikh il dit le fait d'endurer l'injustice des dirigeants lorsqu'ils sont injustes, ça fait partie des choses les plus fermes de la religion, les plus importantes de la religion. Et ça fait partie des conseils qui ont été donnés par nos imams qui donnent le bon conseil. Ça a été rapporté dans le livre de l'imam Al-Ajurri, le livre qui s'appelle Al-Sharia, un des meilleurs livres dans la Aqida des Salafs. Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. En passant, il y a un livre là, le livre vert, c'est un des livres de l'imam Al-Ajurri sur un autre sujet. Donc c'est Akhlaq al-Ulama, je crois. Donc ça, c'est l'imam Al-Ajurri qui a écrit ça. Donc il dit, l'imam Al-Ajurri, selon Amr ibn Yazid, il a dit, j'ai entendu Al-Hassan. Quel Hassan? Al-Hassan al-Basri, un des imams parmi les tabi'in. Il dit, à l'époque de Yazid ibn al-Muhallab, il disait, hein, il y a un groupe qui sont venus le voir pour lui demander quoi faire. Est-ce qu'on doit sortir contre le dirigeant? Est-ce qu'on doit combattre? Qu'est-ce qu'on fait quand il y avait une révolte? Il a dit, restez dans vos maisons et fermez vos portes. Et il leur a dit, par Allah, si les gens sont éprouvés de la part de leurs dirigeants et qu'ils faisaient preuve de patience, ça ne prendrait pas beaucoup de temps pour que Allah retire d'eux cette épreuve et ce dirigeant injuste. Mais au lieu de ça, ils se précipitent vers leurs épées. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à leurs épées. Hein? Et par Allah, ils ne sont jamais venus avec quelque chose de bien. Ils sont jamais venus avec quelque chose de bien en retournant à leurs épées. Et il a cité ensuite le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 137 dans Surat Al-A'raf. Je vais vous le lire. Ça dit, et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Hein? La très belle promesse de ton Seigneur s'accomplit pour sur les enfants d'Israël à cause de leur endurance, bima sabaru. Hein? Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Donc tu vois, le peuple de Moussa, yani Banu Israël, ils ont souffert avec Pharaon. Hein? Et c'est qui les a délivrés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? S'ils avaient pris l'épée, exactement. Donc Al-Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sache que Allah te pardonne, que l'injustice du dirigeant ou des rois, c'est une punition parmi les punitions d'Allah. Et tu ne peux pas affronter ou rencontrer la punition d'Allah avec tes épées. Mais tu dois uniquement te préserver des châtiments d'Allah et repousser ces châtiments-là par l'invocation et la repentance, hein, et de cesser de faire les péchés. Parce que les châtiments d'Allah, si tu veux les rencontrer avec l'épée, alors cette épée devient encore plus coupante et plus tranchante. Et Malik ibn Dinar, il m'a dit que Al-Hajjaj disait, sachez que chaque fois que vous faites un péché, Allah subhanahu wa ta'ala met contre vous, Allah subhanahu wa ta'ala met en vos dirigeants contre vous un châtiment. Hein? Allah vous donne en vos dirigeants un châtiment. Et il dit, il dit, وَلَقَدْ حُدِّثْتُ, on m'a raconté que Al-Hajjaj a dit que quelqu'un a parlé à Al-Hajjaj et lui a dit, toi tu fais des crimes ou des choses injustes contre la Ummah du messager d'Allah. Il a dit, oui, je ne suis qu'un châtiment d'Allah pour les... Hein, il dit, je suis un châtiment contre les gens de l'Irak parce qu'ils ont inventé dans leur religion ce qu'ils ont inventé et ils ont abandonné des législations de leur prophète, ce qu'ils ont délaissé et abandonné. Ça, c'est qui a dit ça? Al-Hajjaj ibn Yusuf. C'est lui qui était injuste, c'est lui qui faisait beaucoup, qui tuait et qui exterminait beaucoup de musulmans en âme. C'était lui, oui. Et là, on dit qu'il a tué peut-être même 100 000 hommes, il a fait tuer. Il a tué même des sahabas, là, il a été vrai. Il a tué beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est quelqu'un là, il n'y avait pas de pitié. Sa parole. Non, mais c'est une ibra. C'est pas comme un dalil. C'est une ibra, une leçon. Il a raison dans ce qu'il a dit. C'est pas parce qu'il est injuste qu'il va pas dire quelque chose de vrai, tu vois. Donc si par exemple Pharaon il a dit quelque chose et puis que tu le mentionnes comme un exemple, ça veut pas dire que tu prends la parole de Pharaon comme un dalil. Hein? Tu le prends comme un exemple ou comme une leçon. Et puis qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein? parce que Allah, c'était pas correct, hein, ou bien c'était une injustice. Et puis, en fait, des fois, c'est que, des fois, ces gens-là, ils sont injustes et ils savent, mais ils sont des injustes qui ont affaire à des gens injustes. Alors, ils pensent que la façon dont ils agissent, c'est nécessaire, et qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois? Donc, il y a des dirigeants avec leur peuple, ils sont très durs, et ils font des, ils agissent comme ils agissent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur peuple. Et souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont dit, ah, ce dirigeant-là, il est trop dur, trop injuste, on va l'enlever, on va mettre un autre. Quand ils ont mis un autre, eh bien, ils l'ont mangé tout rond, hein. Ils ont monté sur son dos. Ouais, l'exemple du Yémen, oui. Exactement. Tu vois, c'est ça. Donc, ça, c'est comme quand il y a, comme le frère Lahsan, il vient juste de dire, ça, c'est un point important. C'est pas juste en Yémen, c'est dans tous les pays. Quand il y a des révoltes, ouais, quand il y a des. Exactement. Exactement. Quand il y a des révoltes, les conséquences sont toujours comme négatives, oui. Après, il dit, Waqila, Sami al-Hassan, Rajulan, yad'u ala al-Hajjaj, faqal, la taf'al. رحمك الله إنكم من أنفسكم أتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال فكتب إليه يا أخي وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة ما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام انتهى كلامه فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصبر والاحتساب ويعزون حلول ذلك ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات كما قال الله عز وجل ما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيهرعون إلى التوبة والاستغفار ويسألون الله عز وجل أن يكشف ما بهم من ضر. Donc le cheikh il cite ensuite un exemple. Il dit que Al-Hassan Al-Basri, il a entendu un homme qui faisait des doigts contre Al-Hajjaj. Alors il a dit non, Rahim, que Allah te fasse miséricorde, n'invoque pas contre lui. Parce que qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est arrivé uniquement à cause de vous-même. Et donc, on craint, nous, plutôt que si quelqu'un, ou que si Al-Hajjaj est renversé, ou enlevé de son pouvoir, ou qu'il meure, que vous soyez dirigé après lui par les singes et les porcs. Hein? Al-Qirada wal-Khanazir, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Parce que c'est ça qui arrive des fois, c'est que toi tu dis, ah, ce dirigeant est injuste, hein, que Allah l'enlève, qu'il mette un nouveau. Tu sais pas qui va venir après lui. Peut-être que celui qui va venir prendre sa place, il est pire que lui. Donc pendant que lui il est là, sois patient, endure, demande à Allah de te faire miséricorde et invoque Allah pour que Allah l'améliore. Au lieu de demander qu'il fasse de lui des choses mauvaises, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après lui. Hey, non, exactement. Et il dit que quelqu'un m'avait. Il dit ensuite, quelqu'un m'a écrit, un homme m'a écrit une lettre. C'est un homme parmi les pieux, il m'a écrit une lettre pour se plaindre de l'injustice de certains dirigeants ou certains responsables. Alors, il a répondu en disant, « Oh mon frère, ta lettre que tu m'as écrite, dans laquelle tu mentionnes l'injustice de certains dirigeants, m'est parvenue. » Al-Ummal, hein, Al-Ummal, on appelle Al-Ummal ceux qui travaillent pour le responsable, pour le dirigeant. Il se plaignait de l'injustice de certains de ses responsables. Alors il a dit, tu te plains de l'injustice de certains de ses responsables. Il dit, il ne convient pas à celui qui a fait des péchés de condamner ou de critiquer la punition qu'il reçoit. Il ne convient pas à celui qui a fait des péchés de critiquer la punition qu'il reçoit. Et il dit, je crois que ce qui vous a atteint maintenant, c'est à cause de vos péchés. Wassalam. Fin de la lettre. Donc il a dit, ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf vis-à-vis de l'injustice des dirigeants. Et ils font face à ça par la patience, et ils recherchent dans la patience qu'ils ont la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils essaient de il dit wa ya'zuna hulul dhalika al-jawr, donc ils ramènent l'injustice de ce dirigeant là envers eux à ce que leurs mains ont fait comme péché et comme faute. Hein, comme c'est mentionné dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Shura, le verset 30, ce qui vous atteint comme malheur, c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Donc, il se précipite vers la repentance et la demande de pardon. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les délivrer du mal. ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار وتتخطفهم الشبه ويستزلهم الشيطان. Donc le cheikh il dit, et les gens de la sunna, ils ne font pas face à l'injustice du dirigeant en utilisant quoi que ce soit de ce que la charia purifiée leur a interdit, en aucun cas. Et dans, ils disent, ils ne vont pas prendre des armes contre le dirigeant. Ils ne vont pas créer de la fitna, ils ne vont pas retirer leurs mains de leur allégeance et de leur obéissance à ce dirigeant-là, parce qu'ils savent que ceux qui font ce genre de choses-là, ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour les textes de la charia et aucun respect pour les textes de la législation islamique dans leur cœur, parmi les gens de la bid'ah, parmi les gens de la passion, qui se laissent guider et qui se laissent amener par leur opinion et non par les textes et les narrations, et qui sont tombés dans toutes sortes d'ambiguïtés et que le shaitan a fait glisser. Il dit wa laqad jaa fi nusus min at-tahdhir 'an madhahib al-khawarij ma fihi balaghun liman 'asamahu Allah 'azza wa jalla 'an madhhab al-khawarij ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعوهم أو أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم أسوق طرفا منها. Donc le cheikh il termine cette introduction en disant que il y a beaucoup de textes également qui ont été rapportés pour mettre en garde contre les voies des madhahib des khawarij. Les voies des khawarij. Et ça, c'est dans les paroles de l'imam Al-Ajurri. Qu'est-ce qu'il cite dans ce paragraphe? Ça, c'est les paroles de l'imam Al-Ajurri. Il dit qu'il y a beaucoup de paroles pour mettre en garde contre les voies des khawarij. Et dans ces paroles-là, il y a un avertissement clair pour la personne que Allah a préservé et protégé contre les voies des khawarij et qui n'a pas l'opinion des khawarij et qui fait preuve d'endurance face à l'injustice des dirigeants. La tyrannie des dirigeants et qui n'est pas sorti contre eux avec son épée et qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'être délivré de leur injustice et lui-même ainsi que tous les musulmans et qui a fait des invocations en faveur des dirigeants pour que Allah les rende meilleurs et qui a fait le hajj avec eux et qui a fait le jihad avec eux contre tous les ennemis des musulmans et qui a prié derrière eux la Jumu'ah et les deux Eid. Hein? Tu vois, subhanallah, qu'est-ce qui se passe par exemple maintenant quand les pays musulmans se réunissent ensemble pour faire le jihad contre les Houthiyin, tous les gens de Bid'a critiquent. Il y a même parmi des gens qui prétendent ou qui prétendaient faire partie de la Sunna qui sont en train de dire aux musulmans non, ça c'est une fitna. A'ouzou billah. Et ça c'est comme par exemple Mohamed al-Imam puis plusieurs chouyours du Yémen qu'on pensait être sur la sunna et qui maintenant ont montré leur vrai visage qui sont contre qu'est-ce que les ulama d'Ahl al-Sunna ont encouragé et qu'est-ce que les dirigeants musulmans ont pris comme décision. Ils disent non, rentrez pas dans la fitna, on veut le dialogue, la compréhension, et ainsi de suite. Non! Tous ces gens-là, Allah Mustaïn. Oui, il a dit, Cheikh Ubaid, que c'est un ikhwani. Et je crois qu'il est, franchement, je crois que c'est des gens qui sont alliés aux ikhwan. Oui! Oui, il a signé avec eux. Et Cheikh Hani, non, il est déjà posté, je me rappelle, ça fait longtemps. Cheikh Hani al-Breik, un des mashaykhs parmi les mashaykhs salafis du Yémen, il a expliqué, toutes les ruses, toutes les détournements et les falsifications de ces chouyouks-là. Et eux, ils ont mis en garde contre lui. Oui. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ce sont pas des gens qui défendent la vérité, ces choses-là. Et alhamdulillah, ils ont été dévoilés. Et maintenant, la réalité de leur hypocrisie est apparue. Ils ont fait une entente de paix pour protéger leur marquise, soi-disant. Mais le problème, c'est que dans cette entente qu'ils ont écrite avec les Houthiyin, ils disent, ce sont nos frères, on les aime, ce sont nos frères, il n'y a pas de problème entre nous. Alhamdulillah. Des rafidats, tu dis ça à leur sujet, c'est pas permis de dire ça. Donc là, le cheikh, il dit, pour terminer, l'imam al-Ajurri, il dit, donc il va faire le jihad avec eux, contre tous les ennemis, il va prier derrière eux la prière de Jumu'ah et le Eid. Parce qu'à l'époque, c'était les dirigeants qui faisaient le Eid, qui faisaient la Jumu'ah. Et il dit, et si il leur ordonne de faire quelque chose et qu'ils sont capables de le faire, ils leur obéissent. Mais si ils ne sont pas capables de le faire, ils s'excusent auprès d'eux. Et si les dirigeants leur ordonnent de faire un péché, ils ne leur obéissent pas. Hein? Et si il y a une fitna qui s'établit entre eux et lui, il se retient sa langue, hein, et sa main, et il ne suit pas, hein, il ne rentre pas dans qu'est-ce que les Khawarij rentrent, et il n'aide pas les gens dans la fitna, parce que ça c'est bien entendu contraire à la sunna, et celui qui rentre dans cette description-là, il est sur le droit chemin. Celui qui respecte tous les exemples qu'on a mentionnés, ceux-là, ils sont les gens sur le droit chemin. Il dit qu'il y a mentionné dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de faire preuve d'endurance face à l'injustice des dirigeants. Et le cheikh, lui, il en a cité 7 hadiths. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter ici. Puis, au prochain cours, Inch'Allah, on va lire ces hadiths-là ensemble, Inch'Allah. Mais, juste pour donner un exemple, un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumah, il dit que le prophète, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, man ra'a min amirihi shay'an fayakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraq al-jama'a shibran famata, famaytatun jahiliya. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son dirigeant quelque chose qui lui déplaît, qu'il soit patient. Parce que s'il se sépare de la jama'a d'une petite distance seulement, et qu'il meurt dans cet état-là, il va mourir dans un état comparable à la jahiliya. Hein? Et dans la narration de Muslim, il dit, « Man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi. » فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Celui qui n'aime pas quelque chose de la part de son dirigeant, qu'il soit patient avec lui, parce que personne parmi les gens ne s'écarte ou sort du dirigeant d'une courte distance, excepté que s'il meurt dans cet état-là ou dans cette situation-là, eh bien, sa mort sera comparable à une mort de la jahiliya. Et il explique que, plus loin, il dit, « Qala ibn Abi Jamra, al-murad ibn Mufaraqa, al-sa'yu fi hal aqd al-bay'a, allati hasalat li thalika al-amir, walau bi adna shay'in fakanna anha bi miqdar al-shibr. » لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه. Donc Ibn Abi Hamza, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de se séparer, c'est-à-dire de se précipiter à briser le serment d'allégeance qu'on a pris avec ce dirigeant-là. Et il a mentionné l'exemple de la distance d'une main, et en est pour dire que si tu te détaches de cette allégeance-là, même si c'est d'une petite distance, eh bien, ça ramène à des conséquences qui font que le sang des innocents va couler. Fin de la citation. Puis il dit ensuite, « وَالْمُرَادُ بِمَيْتَةَ الْجَاهِلِيَةَ حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا قاله الحافظ في الفتح. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut dire par la mort de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il va mourir dans un état comme la mort des gens de la jahiliya, dans l'égarement. Parce que à l'époque, ils n'avaient pas un seul dirigeant qui était obéi, mais ils avaient plein de chefs différents, puis chacun se combattait les uns les autres. Donc, ils connaissaient pas l'idée d'obéir à un seul dirigeant. Et il dit que ça ne veut pas dire qu'ils meurent mécréants, mais plutôt qu'ils meurent pécheurs dans le péché. Et ça a été dit par Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Donc ça c'est le premier exemple du dalil qui a été mentionné. Donc je vous laisse donc avec ce premier hadith, ce premier dalil, puis on continuera les autres dalils qui ont été mentionnés par le Cheikh Abdussalam ibn Burjis dans yani, la suite du livre, Inch'Allah. Ben, c'est des questions parce que les points sont assez clairs, mais si vous avez quand même besoin de clarification, les ulama, ils ont expliqué qu'un kafir ne peut pas être considéré comme un wali ou amr pour les musulmans. Oui. Et un kafir, un chrétien, un juif, un athée, il ne peut jamais être wali ou amr pour les musulmans. Jamais. Pour toi, par exemple, toi, t'es marocain, ton wali ou amr, c'est le roi du Maroc. Pourquoi? Parce que t'as une bay'a avec le roi du Maroc, du fait que tu es marocain, oui. Donc, ton dirigeant à toi, c'est le roi du Maroc. Et vous, ben, les convertis, malheureusement, pas de dirigeant. On est... Non, parce qu'ici, il n'y a pas de... Mais on doit écouter les ulama, disons, de façon dirigeante, de façon générale, on doit écouter les ulama, mais, par contre, c'est pour ça qu'on est encouragé de faire la hijra, pour aller vivre dans des pays musulmans, justement. Oui. Parce que les convertis, ils sont dans une situation que, justement, ils n'ont pas de... Si on meurt dans cet état, moi j'ai peur que je meure dans Meita Jahiliya. C'est ça. Mais tu sais, les Ikhwan, ils cachent ces hadiths-là aux gens pour que les gens ils les connaissent pas. Parce que ça c'est un de leurs bêtes noires là. Ça c'est ce principe-là, c'est leur bête noire. Ils détestent ça. C'est exactement. C'est juste la seule fois que j'ai entendu les Ikhwan qui parlent de ces hadiths-là, c'est quand Morsi était au pouvoir. Là, tout d'un coup, ils sortent tous les hadiths sur Ta'at Wali al-Amr. Avant, quand c'était un autre dirigeant, Mubarak, ils ne le disent pas. Pourquoi? Est-ce que Mubarak est un kafir? Ben, probablement qu'ils l'ont déclaré kafir. Parce que eux, c'est juste les Ikhwan qui sont musulmans pour eux. Si t'es pas avec eux, t'étais pas un dirigeant musulman. A'ouzou billah. Nassal Allah al-afiyah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.